si vous me testez maintenant, oui. ou si un événement me teste par rapport à vous, okay? Oui. Est-ce que moi je suis testé pour un homme? Je comprends pas encore la question. Quand on passe un permis de conduire, oui. c'est bon que tout est police. Oui. Est-ce que quand on passe un permis de conduire avec une personne, c'est bon que toutes les personnes qu'elle connaît? Seulement si c'est ça que je vous ai répondu tout à l'heure. C'est... OK. Je peux avoir beaucoup d'admiration, beaucoup de ci, beaucoup de ça, mais je ne peux pas avoir confiance. Je ne mettrai jamais ma confiance dans l'homme inconscient, mais je mettrai ma confiance dans l'homme conscient. Mm-hmm. Dans l'homme qui a une certaine conscience. Mm-hmm. Parce que l'homme qui a une certaine conscience, c'est une conscience vibratoire, donc il y a déjà de l'esprit. Il faut qu'il y ait de l'esprit dans l'homme pour pouvoir faire confiance. Parce que faire confiance, c'est dans un sens, c'est se mettre sur la vibration d'une autre personne. C'est très grave, faire confiance. Oh, ouais. Tu peux jamais faire confiance à un être inconscient. Vous emmenez votre auto au garage. Oui. Est-ce que vous faites confiance? Jamais. Non. Non. Mais si j'amènerais mon auto dans le garage de Bernard Labelle, je ferais confiance. Ouais. Parce que suffisamment de conscience vibratoire pour délivrer, produire. Oui. C'est pour ça que les hommes dans l'évolution, par exemple, vivent toujours des situations décolorées par rapport. Mm-hmm. On raconte des gens, oui. Mm-hmm. Mais quand ça arrive au bout de la ligne, non. Moi, je ne peux pas vivre ça, moi, je peux sauter. Non. Est-ce que le respect vient après la confiance, ou il faut de la confiance pour avoir du respect? Non. La confiance, c'est quelque chose qui côtoie le respect. Quand tu as le respect d'une personne, une personne a le respect de toi, la confiance, c'est l'agrémentation du respect. Mm-hmm. Moi, j'ai beaucoup de respect pour vous, donc automatiquement, la confiance est périphérale à ça. Mais la confiance, elle ne fait jamais partie de mon focus, parce que vous ne seriez jamais capable d'agir comme moi je peux agir, anyway. Mm-hmm. Fait que je ne peux pas avoir entièrement confiance. Mm-hmm. Mais je peux avoir du respect, par exemple, puis j'aurai suffisamment de confiance pour faire mon petit bout de chemin avec vous. Mm-hmm. Parce qu'on a tous nos degrés de sensibilité. Mm-hmm. Fait que la confiance, mettre sa confiance dans une personne, c'est transposer notre moi dans l'autre. Tu ne veux pas faire ça. Mm-hmm. C'est abominable de faire ça. Vous allez automatiquement avoir des déceptions. Mm-hmm. Vous pouvez entraîner, il y a des gens qui ont une certaine conscience vibratoire, vous pouvez entraîner des gens à réellement échanger avec vous là, sur une base de « moi, c'est très important, moi, la communication ». Donc, échanger, là. Tu donnes un, puis tu reçois un, tu donnes un, puis là, ça devient une grande expérience. Ça devient, là, c'est réellement là que vous parlez de compétences au niveau de communication. Mm-hmm. Bon, mais ça, c'est intéressant. Là, à ce moment-là, vous avez de la confiance. Là, il peut avoir de la confiance très, très rapprochée. Vous n'avez pas de déception. OK. Les gens, généralement, vont parler de respect dans la création d'une alliance fondée sur une sorte de profit de l'échange, là, qui n'est pas nécessairement matériel, là, mais qui va en relation avec cette capacité de faire confiance à l'autre dans son jugement, dans sa parole, dans ses idées. La façon que vous parlez, c'est très restreint le champ de confiance qu'on peut avoir avec quelqu'un, indépendamment du respect qu'on a pour lui. C'est comme si pour respecter l'individu, il faut connaître une partie de son être avec ses limites et ses capacités. Pour respecter l'individu, il faut reconnaître une conscience vibratoire. Si vous ne pouvez pas reconnaître qu'une personne a une conscience vibratoire, vous ne pouvez pas la respecter. Ben, à ce moment-là, il n'y a personne de l'autre qui peut respecter un autre parce qu'il n'est même pas conscient lui-même des vibratoires. Les gens, en général, ont un jugement psychologique sur les autres. C'est ça que je veux dire. Je veux dire, quand je dis que vous ne pouvez pas respecter une personne si elle n'a pas une certaine conscience vibratoire, ça veut dire que vous ne pouvez pas, avec cette personne-là, entretenir des liens de confiance très avancés. Vous pouvez respecter tout le monde. Mm-hmm. Mais vous ne pouvez pas, je peux respecter le garagiste, en tant qu'homme. D'une façon protocolaire. Oui. Protocolaire. Mais je ne peux pas entretenir des liens de confiance avec lui. Ouais. Pour entretenir des liens de confiance avec une personne, il faut que cette personne-là ait une conscience vibratoire. Bon. Quand l'homme est conscient, il demande, dans ses relations, ou il demandera,